Vous. Oui, vous. Savez-vous que vous pouvez écouter 230 radios, 700 web radios et plus de 200 000 podcasts sur une seule application gratuite ? Avec Radio Player France sur smartphone, enceinte ou en voiture, vos radios sont toujours avec vous. Radio Player France, l'appli de toutes les radios. France Inter. Bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric. En tant que secrétaire du syndicat des laisseurs de messages sur le répondeur de Blockbuster, nous déclarons un préavis de grève à partir d'aujourd'hui jusqu'à une date indéfinie en soutien aux acteurs et aux scénaristes américains. Voilà, nous aussi nous avons des réclamations. Nous voulons plus de temps de répondeur de messages dans l'émission et aussi nous voulons des droits d'auteur quand nos messages sont diffusés. Voilà, je vous fais quand même des bisous et vive la grève, vive le syndicat. Salut Fred, bonjour Yves, de retour à la capitale, j'écoute l'émission du jour, Monkey Island, et j'entends la voix de Marcus. Ah là là, mes deux idoles, toi et Marcus. Bah merci de me refaire vivre, mon enfance. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette idée de Vincent Delerme. Pour reprenant Aya Nakamura. Merci, hein, vous m'avez... Allez, j'ai une longue journée. Merci beaucoup. To be or not to be, not to be. J'ai fait un rêve. Un rêve où je faisais une émission sur Aya Nakamura sans recevoir ensuite des tweets m'expliquant que cet artiste ne mérite pas que l'on parle d'elle, tant son style et son franc-parler incarneraient, selon ses mécontents, la décadence d'une France en perdition. Bon, alors c'est un rêve très très court parce que l'émission n'a pas encore eu lieu et j'ai déjà reçu ce type de tweet. Alors rassurez-vous, je suis pas surpris, depuis 7 ans d'émission, un schéma semble être apparu dans les réactions entourant certains sujets. Black Panther, où j'invite Rokhaya Diallo qui est fan du personnage, mail pas content. Alexandre Dumas, où je rappelle qu'il est le fils d'un esclave noir affranchi, mail pas content. Rappel sur le parcours de Tina Turner et les difficultés qu'elle a rencontrées, mail pas content. J'imagine qu'il faut juste y voir une étrange coïncidence, et il ne faudrait surtout pas que je sombre dans une victimisation communautaire qui me vaudrait assurément de nouveaux mails pas contents. 50% de mon arbre généalogique a beau prendre racine en Guadeloupe, je me dois de rester calme et aborder ces sujets avec l'impartialité de Christine Kelly sur CNews. Aya Nakamura mène une carrière qui ferait l'envie d'une grande partie du showbiz. Ses chansons rendent hommage à ce que la musique des Caraïbes et des Antilles a de plus festif. Elle n'a tué personne. Et pourtant, je vis dans un monde où il y a des gens qui me demandent de faire un blockbuster sur Noir Désir, ce qui n'arrivera jamais, mais qui ne supportent pas l'idée de consacrer une heure d'émission d'été à l'artiste francophone la plus écoutée au monde. Si, dans les blockbusters du passé, vous avez pu supporter Lovecraft et son racisme, Asimov et son harcèlement sexuel, Aurel San et sa misogynie, Sardou... Bon, ça d'accord, vous n'avez pas supporté. Vous devriez sans problème supporter une artiste qui n'a pas fait le quart de tout ça et qui se contente de vivre sa meilleure vie en ayant du succès. Au pire, vous n'écoutez pas cette émission et vous revenez demain, on parlera du Rocky Horror Picture Show, la comédie musicale queer. À moins que ça aussi, ça vous énerve. Auquel cas, tant pis pour vous. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, j'suis pas très mytho. Ils m'ont rendu rom pom pom, j'crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le code. Et quand tu mens comme ça, j'suis qu'à 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescend. Parce que j'suis ça, baby. Peux devenir. Bla bla bla bla pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Bla bla bla bla pouki. Elle est tout simplement, je le répète, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. À une vitesse phénoménale au regard de son âge, Aya Nakamura s'est imposée dans la cour des grands. Vous savez, ce petit cercle d'artistes capables de remplir des zéniths en quelques minutes, qui à chaque nouvel album font exploser les compteurs des plateformes musicales. Citée en référence par des artistes tels que Madonna ou Rihanna, son franc-parler, sa manière de jouer avec l'argot contemporain, les anglicismes et des influences musicales qui prennent racine dans le zouk ou le dancehall en font un blockbuster particulier. Intéressant à analyser. Et pour ce faire, je suis ravi, je suis accompagné de Christelle Murula, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pigiste, autrice de Nos amours silenciers, repenser la révolution romantique depuis les marges, aux éditions Daronne. Ouais, c'est ça. Avec nous également Dolores Bacchella, bonjour. Bonjour. Vous êtes également journaliste pigiste spécialisée en culture et société. C'est ça. Vous savez tout, direction la galaxie Nakamura. Quand est-ce que vous avez découvert votre voix, à vous ? En vrai ? Ouais. On va dire vers l'âge de 15 ans, 16 ans, ouais. Parce qu'au début, j'aimais pas ma voix, parce que je la trouvais un peu grave. Et je me disais, mais c'est bizarre, je chante grave et tout. Et au final, j'en ai fait ma force, parce que à force de t'écouter, d'aller, bah, quand tu vas au studio pour la première fois, tu t'entends, tu te dis, mais c'est quoi ça, genre. Tu vois, c'est comme quand tu fais des audios et que t'entends ta voix, bah, il y en a qui aiment pas forcément s'écouter. À force de l'entendre, ouais. Vous venez d'entendre Aya Nakamura au micro d'Augustin Trapenard dans l'émission Boomerang. Alors, Dolores Bacchella, ma première question, c'est d'où vient Aya Nakamura ? Parce que, en fait, j'ai eu l'impression d'avoir fermé les yeux et tout d'un coup, paf ! C'était l'artiste française la plus écoutée au monde. Eh ben, Aya Nakamura est une jeune artiste, mais c'est vrai qu'elle a eu une ascension qu'on peut qualifier de fulgurante, même s'il y a quand même eu pas mal d'étapes pour arriver à devenir l'artiste francophone numéro 1. Elle est née en 95 à Bamako. D'ailleurs, on lui renvoie souvent que ce n'est pas une chanteuse française, alors qu'elle est née à Bamako, mais qu'elle a grandi à Aulnay-sous-Bois, et c'est à Aulnay-sous-Bois qu'elle a commencé à faire ses gammes, à chanter. Et c'est aussi avec l'invention des réseaux sociaux qui ont vraiment permis à ses premiers titres de se diffuser aussi largement. Je pense à Briser notamment. Je pense que vraiment le premier titre qui a vraiment marqué les esprits, en dehors de Briser, J'ai mal, c'est Love d'un voyou, le featuring qu'elle a fait avec l'artiste Fababy en 2016. Donc vous voyez, on est loin de 2018 avec l'explosion de Jaja, qui a été son premier single vraiment international, qui a conquis tout le monde avec cette recette dont on va sans doute parler, qui est savamment concoctée par elle et ses compositrices et compositeurs. Christelle Murula, effectivement, avoir l'envie de devenir chanteuse à Aulnay-sous-Bois, j'imagine que énormément de jeunes filles, de jeunes garçons peuvent avoir ce rêve et qu'il les taraude. Mais comment elle l'a concrétisé ? Bah, c'est comme l'a dit Dolores, c'est vraiment avec l'aide des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Briser et Love d'un voyou ont explosé sur Facebook et sur YouTube avant que Jaja explose sur la planète entière. Donc, il y a vraiment une espèce de bouche à oreille, en fait, qui s'est fait et qui a conquis le grand public avec Jaja, mais pareil, c'était aussi plus du bouche à oreille que des médias qui s'intéressent à un titre. C'est que, en fait, ça a tourné, juste, on entend les premières sonorités de Jaja et directement ça rentre dans la tête. C'est des paroles qui sont faciles à retenir, etc. Et finalement, on garde cette chanson dans la tête et puis on la chante toute la journée et ça fait le tour du monde, en fait, assez rapidement. Et il y a une espèce aussi de comment dire, elle est très vraie et très naturelle, Aya Nakamura, dans ses chansons, et c'est quelque chose qui a conquis aussi le public assez rapidement dans sa manière de chanter, dans sa manière de parler aussi. Elle parlait une langue que beaucoup de personnes dans les quartiers populaires ou dans les banlieues parisiennes parlent, un langage qu'ils connaissent, qu'on n'entend pas forcément ailleurs, et donc forcément c'est devenu un phénomène en l'espace de 30 secondes, quoi. Dolores, en écoutant les chansons d'Aya Nakamura, et alors j'en ai écouté un sacré paquet pour préparer cette émission, et j'ai moi-même été contaminé, et en fait je me suis rendu compte que ce qui la caractérisait plus qu'autre chose, c'est le degré de confiance en elle qu'elle semble avoir. C'est-à-dire que tu écoutes Aya Nakamura et tout d'un coup tu te dis, j'aimerais qu'elle me fasse une transfusion pour me sentir plus fort. Y a une idée de comme ça d'empowerment. Surtout il y a une idée aussi de tout ce qu'elle a fait, en fait, vu comme ça a été perçu par certains médias. Et comme le disait Christelle, elle vient des marges. à Aya Nakamura. C'est pas l'artiste prototypé pour percer dans l'industrie musicale. Je renvoie à Benjamin Schulvanige, qui était un des ponts de l'industrie musicale et notamment des musiques dites urbaines. On reviendra sur ce terme, mais en tout cas, parce que c'est un fourre-tout. Hein. C'est un fourre-tout, et en même temps, il y a une certaine réalité dans le fait que Aya a commencé aussi en faisant ses propres titres, et ça, c'est très fort. Donc, cette question aussi d'incarner, d'écrire elle-même et de porter sa musique depuis le début jusqu'à aujourd'hui, mais aussi d'avoir été chantée à côté d'artistes, des rappeurs, donc pas des mal-alpha, c'est pas forcément toujours évident, et de s'être littéralement imposée par sa musicalité et sa manière, en fait, effectivement, d'être très naturelle. Elle dit, moi, je chante comme je parle à mes copines. Donc, ce sentiment de proximité est évident parce que c'est sa formule. Jaja, le titre qui a cartonné, elle dit, le Jaja, c'est un menteur. C'est une histoire c'était des rumeurs qui traînaient sur moi. Et donc, elle a fait ce titre. Et donc, il y a aussi, elle dit, quand moi, je chante, je me sens bien. La musique m'aide, en fait. Donc, il y a aussi ce côté où c'est, comme pour beaucoup d'artistes, hein, c'est cathartique, la musique. Il y a le sentiment de se sentir bien. Elle se sent bien aussi en studio. C'est un endroit qu'elle affectionne, pour lequel elle a lâché le travail qu'elle commençait dans un magasin d'habillement qu'on connaît. Donc, il y a aussi cette idée que la musique l'a aussi, lui apporte aussi beaucoup et qu'elle peut aussi rendre ça dans ses textes. Donc, je pense que ça, c'est aussi très important pour comprendre, en fait, qui est Aya Nakamura, quelqu'un de très simple, mais qui a aussi vécu beaucoup de choses pour réussir à s'imposer dans l'industrie. On rappelle qu'Aya Nakamura était en train de signer son contrat alors qu'elle était enceinte de son premier enfant. Et on est dans une industrie musicale où être visiblement une femme et enceinte, c'est pas forcément quelque chose qui est encore complètement admis. On le sait, on va dire « Ah, mais les femmes, c'est compliqué, après elles sont enceintes, après elles disparaissent, elles ont des enfants. » Aya a dû passer beaucoup d'étapes pour imposer son son, sa manière de fonctionner, et en même temps, le succès, elle le doit à elle-même et à cette manière aussi d'être entêtée. Elle le dit aussi, je suis quelqu'un de très très entêté, je fais ce que je veux, je suis égoïste, et c'est finalement ce qu'on lui reproche qui est aussi la recette de son succès, je pense. Christelle Murula, il y a aussi cette dimension qui est complètement presque paradoxale, c'est que ses premiers textes, c'est ses journaux intimes. Exactement. Non, mais même ses textes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle raconte sa vie dans ses textes. Elle raconte ses peines de cœur, ses déboires amoureux, ses déboires amicaux. C'est vraiment, elle a des textes qui sont tellement authentiques et qui sont tellement juste simples, qui font que il parle à tellement de personnes, de jeunes filles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a souvent reproché de faire de la musique pour les filles, au sens le plus péjoratif du terme. Mais c'est vrai que, en fait, son premier album déjà s'appelle Journal Intime, tout simplement, et le reste de ses albums, donc, ce sont des albums éponymes. Les trois albums qui sont passés sont des albums éponymes. Donc, il y a eu Aya, Nakamura et DNK. Donc, ça fait quand même Aya, Aya, Aya. Ça va être compliqué pour quatrième. Il va falloir trouver un nouveau nom. Donc, forcément, il y a une dimension où toutes ces fans ou toutes d'autres femmes, en fait, se reconnaissent en elle parce qu'elle est quand même assez jeune. Elle est née en 1995, donc elle a 27-28 ans. Elle a déjà deux enfants. C'est peine de cœur, ces dernières en tout cas ont été étalées dans toute la presse et elle s'en est penchée dans ses chansons. Il y a vraiment un côté où elle est très secrète, mais tout est dit dans ses albums, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent s'identifier à elle. Et il y a aussi la dimension des influences, parce que j'imagine bien qu'on on s'improvise pas chanteuse comme ça de R&B. Il y a forcément des sons qu'on écoute, des sons donc qu'on écoute à la maison. Et quel type de musique ont influencé Aya Nakamura? Déjà, Aya, elle le dit. Elle le dit. Aya Nakamura, elle vient d'une famille où sa mère était griotte, et elle l'a dit texto. Elle a dit, en fait, moi, j'ai aussi suivi un peu parce que ma mère était griotte. Donc, elle est d'origine malienne, puisqu'elle est née à Bamako, on l'a dit, au Mali. Et donc, sa mère chantait dans des célébrations, etc. Et du coup, le griotisme, c'est à la fois l'histoire et en même temps, c'est avoir une voix quand même qui porte et qui est une belle voix. Et c'est aussi être reconnu. C'est être un artiste institué en Afrique, en tous les cas, en Afrique de l'Ouest. Et donc, si on écoute sa voix, moi, je trouve aussi que c'est ça, et t'as raison de le dire aussi, Christelle, sur l'authenticité, c'est qu'elle a forgé aussi cette voix qui est assez particulière et qui fait que même les artistes sont un peu étonnés. On entend très bien l'intonation très Afrique de l'Ouest, griotique, limite de cette voix, tout en ayant des accents complètement qui rappellent un peu le parler justement d'où elle vient en fait. Et donc elle s'est imprégnée de tout ce dont, de tout d'où elle vient partout pour en fait créer aussi cette voix qui est assez particulière et qui n'est pas juste du R&B. Il y a énormément de choses dedans. On entend aussi beaucoup le zouk. On entend. Oui, c'est vraiment ce qui m'a frappé justement parce que parmi les critiques qui lui ont été adressées, on l'a dit. Il y avait ce reproche qui était de dire oui, ce n'est pas une artiste française, alors qu'en fait dans sa musique, quand on s'intéresse à la musique française, mais dans l'ensemble des territoires français, n'est-ce pas, et donc les Antilles, je le rappelle, sont un territoire français, même avant certains départements internes à la métropole. Le zouk et notamment les rythmes chaloupés, Jacob de Varieux avec Kassav, on le retrouve dans énormément de chansons de Aya Nakamura. Mais c'est son influence et elle le revendique. On parle le problème qu'on a avec une artiste comme ça dans son traitement médiatique, c'est qu'on oublie de parler de musique. Or Aya Nakamura, c'est avant tout quelqu'un qui fait de la musique et qui d'ailleurs a un peu du mal, mais peut-être que Christelle t'en parlera mieux parce que tu l'as interviewée. C'est quelqu'un à qui on lui parle assez peu de musique, et quand les médias font le travail de lui parler de musique, et ben en fait elle parle de ses influences là. Par exemple, elle a repris Sentiment grandissant dans le précédent album d'une chanteuse Karima, qui était un bop, donc un titre que tout le monde a adoré quand il écoute la musique française et donc le zouk. Et pareil, elle a repris Corneille parce que ça fait partie du patrimoine et ça fait partie des musiques qu'elle a écoutées. Donc effectivement, elle a aussi, grâce à sa formule qui est très métissée au sens vraiment pur du terme, permis aussi de remettre la lumière sur des artistes qu'on néglige beaucoup trop. Par exemple, elle s'est retrouvée aux Flammes, la cérémonie qui remettait des prix pour les dites culture populaire, et elle s'est retrouvée dans le morceau, je crois que c'était d'inspiration caribéenne, parce que avec Damso, qui est un rappeur belgo-congolais, ils ont fait un titre qui est d'inspiration caribéenne, Degen, qui est un tube incroyable, évidemment. Mais donc, c'est aussi pour dire à quel point elle va puiser dans l'héritage français, et on rappelle que Kassav, quand même, et elle aussi, font partie des rares artistes à remplir un Bercy. Des rares artistes français à remplir un Bercy. Et ça, c'est important de le dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il ne s'agit pas de dire qu'on aime Aya, il s'agit juste de constater que ce qu'elle fait marche. Tout à fait. On est justement ensemble pour évoquer Aya Nakamura et je vous propose qu'on l'écoute avec Dja Dja. Aya Nakamura, elle a papi Miki Bazar. J'entends des bails atroces en main. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça? Demande et t'y paies. Tu croyais quoi? Qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen. Ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te fais pas la morale. Tu parles sur moi, ya air, crache encore, ya air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen. Ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta gata, dja dja, genre en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja, j'suis pas ta gata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En cas de chanel, baby, tu dead ça. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Oh, dja dja. Blockbuster sur France Inter. Au début, c'est vrai qu'il y a eu des malaises avec les grands médias mainstream, des interviews qui passaient mal, on vous demandait de traduire vos phrases, de traduire des mots d'argot. Ça vous a gêné qu'on vous dise « mais ça veut dire quoi ces mots et tout ça ?» Bah non, quand c'est intelligemment demandé, bien sûr, mais quand on ressent un peu le côté snob ou d'un moment, c'est sûr qu'on se dit « ouais, bon, ça suffit en fait. Si t'es vraiment journaliste, tu sais ce que ça veut dire. » Moi, je le ressentais plus en mode « vas-y, raconte tes conneries là, vas-y, tu racontes quoi dans tes chansons ?» Vous aviez l'impression que vous étiez méprisé par les journalistes en face ? Bien sûr, mais totalement. Dans ce que je dis, il y a quand même une double culture, c'est un langage qui vient des quartiers et c'est un langage qui est beaucoup parlé aussi par les jeunes. C'était un extrait d'un entretien entre Aya Nakamura et Léa Salamé dans l'émission « Femmes puissantes ». Ce rapport à la langue, Christelle Murula, il est travaillé en fait chez Aya Nakamura. C'est une manière aussi de faire sonner le français musicalement, comme on l'entend assez rarement en fait. Où d'habitude on met le texte avant tout, il faut presque le lire sans musique, alors que elle, chaque phrase tombe sur une rythmique. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bah oui, en fait, toutes ces chansons sont extrêmement travaillées. Il y a eu toute une campagne médiatique où on faisait croire que justement ces textes ne voulaient rien dire, que c'était de l'argot, que c'était la décadence de la langue française, etc. Alors que cette langue-là, ces mots-là sont extrêmement parlés, sont extrêmement utilisés dans les quartiers populaires, en fait. Il y a un langage qui existe, un autre langage français qui est utilisé dans les quartiers populaires. Et elle, en fait, comme c'est ce qu'elle connaît, comme c'est ce d'où elle vient, et ben elle le retranscrit dans ses textes. Le problème étant que ce langage-là n'est pas considéré comme émanant de la culture légitime. Et si en plus de ça, on ajoute le fait que Aya Nakamura fasse entre du zouk, de la compa, du R&B français, de l'afrobeat, des musiques qui ne sont pas non plus considérées comme nobles, comme légitimes dans tout le sens culturel, au sens noble du terme, là forcément il y a eu un problème. Et donc, elle a dû devoir se justifier devant beaucoup de personnes d'utiliser un langage qu'elle parle depuis qu'elle est toute petite, un langage que des millions de Français parlent aussi depuis qu'ils sont tout petits. Et c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de quiproquo, en fait, entre elle et une partie de la presse, du coup. Et pour définir plus précisément ce que sont ces musiques urbaines, parce que c'est une catégorie fourre-tout, on ne sait pas si ça englobe le rap, le dancehall. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, par exemple à l'échelle des victoires de la musique, qu'est-ce que ça représente cette catégorie musique urbaine? Parce que moi j'ai toujours pas compris. Alors malheureusement à l'échelle des victoires de la musique ça ne représente rien et c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en fait, ça, en tout cas rien, pas rien, mais ça représente en tout cas un trouble et un malaise sur comment justement la musique française arrive, et francophone précisément, arrive en fait à se regarder elle-même. Et effectivement par exemple si on pense au rap, parce qu'en fait la question du vocable aussi, pour y revenir rapidement, c'est aussi un sujet qu'on retrouve dans le rap, hein, c'est-à-dire que parler de chop, de gova, de mola, c'est un langage qu'on retrouve dans le rap qui est aussi une poésie, une rythmique, quelque chose d'assez millimétré, de travailler avec des assonances, etc. C'est pas fait au hasard. Et du coup, les victoires de la musique ne représentent pas justement et la diversité, la richesse et puis surtout le succès, parce que on parle d'une musique, notamment le rap, qui est une des musiques les plus streamées, les plus écoutées en France et ailleurs. Et donc, effectivement, les musiques urbaines... Et qui urbaines, ont des chiffres de vente qui sont bien supérieurs au reste des autres courants musicaux. Et qui sont, et ces courants musicaux qui sont primés en priorité, notamment victoires de la musique. C'est d'ailleurs pour ça que les flammes sont nées de ce fait-là et que pour lequel Aya Nakamura a gagné le prix artiste féminine de l'année. C'est assez une évidence. Mais justement, où en fait, en parallèle, dans les cérémonies, Christelle parlait beaucoup de légitimité et illégitimité, on voit qu'en fait, quand on regarde un peu justement les quartiers populaires, les marges, là où en fait on a fait le succès d'Aya Nakamura, c'est-à-dire que pour qu'Aya Nakamura ait ce succès grandissant à l'international, Christelle parlait de bouche à oreille, il faut parler en fait aussi d'un public qu'on méprise tous les jours, d'un public qui écoute des artistes, qui les porte tous les jours, parce que c'est les artistes dont ils sont proches, c'est les artistes qu'ils poussent, c'est les artistes qui leur ressemblent, c'est des artistes artistes aussi qui leur proposent quelque chose de qualité. Je veux dire, c'est fait en studio, c'est travaillé avec des producteurs. Et par ailleurs, il y a toute une frange des médias, notamment des médias qu'on appelle communautaires parce qu'on a du mépris, mais qui sont des médias qui font le travail justement de donner des écrins où on pose des questions, où on s'intéresse vraiment à d'où vient l'artiste qu'on a devant nous. Mais par exemple, moi, je revois des Planète Rap, donc quand Aya faisait Skyrock, où on pouvait l'entendre chanter, pouvait l'entendre chanter en live, et on voyait bien que c'était Aya par rapport à d'autres artistes qui peuvent venir passer pour faire ce même exercice-là. Donc effectivement, la question, je pense, du mépris est importante, et dire musique urbaine, c'est une manière de dire périphérie, lointain, pas la haute musique, mais aussi et surtout musique populaire, c'est-à-dire des musiques qui sont écoutées, qui parfois ne se donnent pas d'autre but que d'être ambiançantes, que de faire danser, mais avec qualité. Enfin, je veux dire, la musique, c'est quand même, c'est comme si n'importe qui pouvait s'improviser chanteuse ou chanteur, c'est faux. Personne ne, tout le monde ne s'improvise pas rappeur, les gens font leur gamme, et une fois de plus, on est en 2023, Aya Nakamura a commencé sa carrière à peu près aux alentours de 2015-2016. Donc on parle quand même d'une, presque d'une décennie. On n'est pas sur ces fulgurants, certes, pour nous, mais on est quand même sur un parcours qui a été pavé de plusieurs étapes. Et elle a passé ces étapes, quand même, on peut le dire, avec un certain brio. Christelle Murula, elle avait déjà une forte communauté sur les réseaux sociaux, qui l'avait suivie, qui l'avait soutenue, cette base urbaine dont Dolores vient de nous parler. Mais est-ce que les maisons de disques ont repéré d'abord la singularité artistique d'Aya, ou plutôt, comme c'est si souvent le cas, le nombre de followers et de bases qui elle drainait autour d'elle? Très honnêtement, je pense que c'est un peu un mélange des deux quand même. Parce qu'ils ont, à mon avis, vu le potentiel star, en fait, vraiment, ces chansons, quand elle est publiée sur ses réseaux sociaux, Facebook, il y a très longtemps, puis un site YouTube. Oui, après, depuis, c'est devenu autre chose. Voilà. Mais ça, moins d'Aya Nakamura et puis plus de conspirationnistes. Exactement. Mais ça a explosé, en fait. Love d'un voyou, son featuring avec Faye Baby, a des chiffres faramineux. Et c'était bien avant Dja Dja, bien avant qu'elle explose. Et en fait, comme l'a dit Dolores tout à l'heure, elle a signé en maison de disque quand elle était enceinte. Et en plus, elle n'avait même pas dit qu'elle était enceinte. Elle était enceinte de 7 mois. Elle avait caché pour pouvoir signer. Mais je pense que les maisons de disques ont justement vu le potentiel que pouvait avoir Aya Nakamura. Parce qu'aussi, on entrait dans une période où justement les musiques dites urbaines, entre guillemets, commençaient à prendre leur place en France, et leur place d'une manière beaucoup plus mainstream qu'auparavant. Et Aya Nakamura, justement, elle représente une espèce de manque, un certain manque qu'il y avait d'artistes entre le zouk et le R&B et l'afrobeat, d'artistes féminines qu'il n'y avait pas auparavant. Et justement, maintenant, quand on voit tout plein de petites artistes qui pop-up, des Ronisia, des Imen S, etc., qui aujourd'hui sont là, aujourd'hui, elles aussi, ont leur place en maison de disques. Je pense très sincèrement que si Aya Nakamura n'avait pas pu, elle, s'imposer, ça aurait été beaucoup plus difficile pour celles qui sont arrivées après. Je suis d'accord, mais... Dolores ? Pardon, je suis d'accord, mais je pense que quand même, en fait, Aya Nakamura s'inscrit quand même dans une tradition de chanteuse, justement, qui, parce qu'il y a la chanteuse traditionnelle de R&B qui est là et qui vient faire les bacs, qui vient faire le refrain, le couplet. On a eu des artistes avec des voix incroyables, Karine, Wallen, voilà. On est vraiment dans cette tradition-là. Effectivement, avec l'apport dont tu viens de parler de l'afrobeat et de ses musiques, mais on a quand même des artistes zouk depuis un moment. Nestlé, Kim, elles font des carrières, mais en fait, elles n'ont pas eu la visibilité mainstream d'une artiste comme Aya Nakamura. Par contre, la différence, je pense, fondamentale, c'est qu'Aya Nakamura, elle a décidé qu'elle n'allait pas jouer en deuxième division et qu'elle n'allait pas être l'artiste du feat de l'artiste. Et elle a conquis sa place, réellement. Et du coup, effectivement, les maisons de disques, parce qu'évidemment, ils signent beaucoup les maisons de disques. Et puis, tout ne fonctionne pas. Et Aya Nakamura, je pense qu'on lui a aussi beaucoup dicté, essayé en tout cas de lui dicter ce qu'il fallait faire. La seule chose à laquelle elle s'est tenue, c'est à ce qu'elle elle voulait faire en tant qu'artiste, musicienne, chanteuse. elle écoute les prods, elle choisit avec qui elle veut travailler. On l'a vu là, elle bosse avec Max et Seni, effectivement Max et Seni qui sont des compositeurs qui travaillent aussi avec Ronicia. Ronicia qui a fait le titre Mélodie qui a été un carton radiophonique. Max et Seni sont sur DNK et ça donne Baby, ça donne je crois Au Niveau, je dis ça parce que c'est un titre que j'aime beaucoup du dernier album, mais elle a une vraie valeur ajoutée. Je suis pas du tout en train de dire que les anciennes artistes n'avaient pas cette compétence-là, cette qualité-là. Je dis que l'industrie musicale, il a fallu aussi la faire plier. Parce qu'une fois de plus, quelqu'un comme Benjamin Chulvani, qui est revenu depuis du fait de son succès, nous disait, et on va sans doute aborder cette question, nous disait quand même que des artistes blacks, il disait même pas noirs, des artistes blacks ne pouvaient pas fonctionner au niveau d'Aya Nakamura. Et effectivement, on a eu Awa Imani, et d'ailleurs, c'est des artistes que cite Aya Nakamura. Awa Imani, elle a fait Chocolat, ça a été un carton. Mais une artiste aussi mainstream qui se pose là en personnage principal, Aya, c'est, en tout cas dans nos années 2000, 2010, 2020 même, bah c'est l'une des seules, effectivement. À chaque fois, rappeler ma couleur de peau, c'est bon, je suis au courant que je suis noire. À chaque fois, me dire alors, qu'est-ce que ça te fait d'être la seule noire, etc. Alors d'aujourd'hui, je vois beaucoup plus de filles de la même couleur que moi qui commencent à chanter, qui commencent à aller dans plein de projets et je suis contente, hein. Les choses évoluent et j'arrive pas en mode je suis la noire qui va venir casser tous les codes. Moi je suis plus en mode il y a les filles de ma communauté qui sont derrière moi et qui me soutiennent et j'ai envie de, si aujourd'hui je peux être un exemple et les pousser à être ce qu'elles ont envie d'être, c'est un plus. Christelle Murula, quel est le concept que j'ai découvert, ce concept de misogynie noire? Alors, c'est un concept qui a été théorisé aux États-Unis par une universitaire américaine qui s'appelle Moya Bailey dans les années 2010 à peu près, qui consiste justement à expliquer que les femmes noires peuvent être victimes d'une misogynie qui leur est spécifique, donc qui lie la misogynie et le racisme. Et cette forme de misogynie noire, donc, elle se met en place par exemple sur des moqueries. Aya Nakamura par exemple a été énormément cible de moqueries sur son corps, sur sa manière de parler, sur sa manière de bouger en fait dans l'espace public, mais aussi des critiques vraiment sur son physique, sur son teint aussi, beaucoup, le fait qu'elle soit foncée de peau. La misogynie noire, vraiment, ça englobe tout ça. C'est vraiment une sorte de misogynie qui est spécifique aux femmes noires. Et Aya Nakamura, elle en a beaucoup, beaucoup, beaucoup subi, que ce soit de la part d'internautes sur les réseaux sociaux ou même de la part d'un certain traitement médiatique qui, au départ, n'a pas existé quand elle a explosé et qui ensuite a existé, mais d'une manière très, comment dire, presque très ironique en fait sur son succès. C'est-à-dire que au lieu de s'interroger sur qui est cette chanteuse, qui est cette nouvelle chanteuse qui explose à l'international, c'était plutôt il y a une nouvelle chanteuse qui explose, on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'elle explose. Et donc quand on voyait les rares portraits qu'il pouvait y avoir d'elle, c'était elle le disait justement dans un extrait qui a été diffusé, c'est expliquer tel ou tel mot d'une manière assez moqueuse. C'est expliquer d'où est-ce qu'elle vient, etc. Rara, mais vous êtes une femme noire issue des quartiers populaires. Qu'est-ce que vous faites là, en fait? C'est vraiment ça. C'est qu'on lui a demandé, on lui a sans cesse demandé de se justifier. De se justifier sur ce qu'elle est, de se justifier. Là où on l'aurait pas demandé à un artiste d'une autre couleur. Exactement. En fait, c'est assez marrant parce que Aya Nakamura, elle a vraiment explosé à l'été, automne 2018, en même temps que Angèle aussi, qui a explosé au même moment. Et le traitement médiatique d'Angèle qui arrive sur la scène musicale française et le traitement médiatique d'Aya Nakamura, les deux étaient complètement différents. C'est-à-dire que d'un côté, on avait une Angèle qui, on analysait vraiment sa musique, on voulait savoir qui est-ce qu'elle était. Elle a pu décrocher des contrats avec des marques de mode, de haute couture, etc. Des couvertures de magazines, des interviews partout à la télévision. Aya, à côté de ça, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de collaboration avec des maisons de mode, il y avait très peu de portraits, très peu d'interviews. C'était vraiment traité comme un peu le phénomène de foire, comme si avec Jaja elle avait déboulé pour faire un tube de l'été et qu'ensuite elle allait disparaître à tout jamais, comme ça a été le cas pour pas mal de chanteurs, malheureusement. Mais sauf que non, en fait, elle est toujours là. Et les gens se sont rendus compte que, bah, non, elle est toujours là et qu'elle n'a pas besoin de la sphère médiatique ou de faire de la promo pour exister. Et maintenant, le rapport de force s'est complètement inversé. Eh bien, on va écouter ce rapport de force avec Beleka, interprété par Aya Nakamura. Hey. Tu bombes, comment tu fais la meuf? Mais on dirait que tu kiffes le mood. Il me dit comment tu bombes, bombes, bombes. Tu bombes, bombes, bombes. T'es dans le truc, tu fais des trucs des fous. Eh, eh, eh, eh. Beleka, eh, eh, eh. Beleka, eh. Beleka, eh, eh, eh. C'est moi qui sors la guitare et c'est ni au piano. Chic, t'entends le piano. À la guette de la piano. Piano, piano, piano. Il veut qu'un chanel évite ses mains. Me choper doucement. Lui, il a la gâchette ou c'est mort. Il veut me trémousser. Tu fais le gang, gang, gang. Mais chic, t'es chou, chou, chou. Entre quatre murs, murs, murs. Avec moi, t'es chou. Eh, eh, eh, Beleka, eh, eh, eh. Blockbuster avec Frédéric Seglis sur France Inter et c'est super! Comment vous choisissez vos sons, Aya, vos instrus pour poser votre voix et vos textes? Bah en général, c'est pas en studio que j'ai choisi, c'est dans mon téléphone. Mais en studio, bah je fais au feeling, je vois, je prends la température, je vois si ce que je fais ça me parle, si la top line me parle, si en tout cas la mélodie me parle tout simplement. Et après là, on peut avancer, écrire par-dessus et poser. Il y a des sons un peu lents, il y a des sons qui bougent, il y a du zouk surtout. Je voulais que c'était important qu'il y en ait, parce que c'est ce que je faisais de base depuis longtemps. Et je voulais aussi m'en remettre, faire un album comme ça. Vous venez d'entendre un échange entre Aya Nakamura et Rebecca Manzoni dans l'émission Totemic. Alors, Dolores Bacala, j'ai une question de néophyte. Qu'est-ce que la top line? Alors la top line, en fait, c'est le travail sur la mélodie, justement, et parfois, c'est l'artiste qui choisit, qui fait en gros la mélodie. Donc, c'est souvent un yaourt, c'est un air, quoi. Ou parfois, il y a des personnes qui font ça et qui viennent ajouter cet air, en fait, sur la composition. Et donc, par exemple, une artiste comme Meryl, qui est aussi une très grande artiste caribéenne, est aussi toplineuse. Et donc, elle travaille avec plein d'artistes. Et donc, les topliners sont pas forcément, enfin, sont pas visibles. Donc, ils font ce travail. Donc, c'est vraiment du travail de studio et ça donne en fait cette couleur et cette musicalité en plus que mérite tout bon morceau qui se respecte de nos jours. Et donc elle en est arrivée à un stade de sa carrière où elle disait qu'elle écrivait ses textes sur son portable, où désormais tout beatmaker, tout créateur de son peut lui envoyer des maquettes pour qu'elle pose sa voix ensuite. Mais c'était déjà le cas et en fait il y a quand même ce truc aussi très artisanal et puis surtout très passionné de quelqu'un qui... mais en fait elle est DA. C'est-à-dire qu'elle sait quelle couleur elle veut, elle sait ce qu'elle veut raconter, elle sait comment elle veut le raconter. Via ses directeurs artistiques. Exactement. Donc en fait, il y a vraiment ce travail. Et puis elle choisit aussi des artistes qui ont cette couleur, justement, Max et Seni, qui collaborent aussi avec Kim. Par exemple, ce qui est intéressant sur le morceau que vous venez de passer, Belek, qui a suscité beaucoup de débats sur les réseaux, parce que c'est un morceau qui utilise la vibration chata, hein, qui est cette musique caribéenne qui, heureusement, est en train d'arriver de plus en plus dans nos oreilles en France hexagonale. Elle disait que c'est un morceau en fait qu'elle a fait à 4h du matin un peu pour rigoler. Et il se trouve que c'est l'un des morceaux dont elle a le plus parlé, et c'est un peu ce morceau un peu dansant en soirée où en fait on va rigoler, on va s'amuser dessus, où en même temps elle dit des trucs, où elle reprend aussi un peu les mots qu'elle aime travailler. Donc il y a vraiment aussi, une fois de plus, vraiment sur cette musicalité, sur ce temps passé en studio, il y a cette appétence d'Aya Nakamura qu'on retrouve dans les morceaux. Et quand vous dites que les gens en ont parlé, c'était plutôt genre « Ah mais ce morceau il est pas sérieux, on sait bien que c'est juste un truc pour s'ambiosser en fin de soirée » ou Non, c'était presque des débats. Il y a même eu des remixes parce que justement Aya Nakamura, en fait elle fait parler puisqu'elle dit qu'elle fait du zouk et musique affiliée notamment caribéenne, et donc là elle va prendre du chata. Bon, au début, dans une des interviews, elle a dit en fait, je sais plus, je crois c'est du bouillon. Donc déjà les oreilles un peu sensibles ont dit non, comment Aya, tu sais, ça oui. C'est du chata déjà. Pas toi, pas si près. En même temps, le titre, ça a été un des titres très publicités quand l'album est sorti, parce qu'on est tous là à minuit à écouter en se disant c'est quoi, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Boom, Belek sort. C'est-à-dire que vous faites partie des premières auditrices quand elle sort Moi personnellement, en tout cas, oui. Ouais, je me revois dans mon appartement pour Nakamura avec tous les titres qu'on connaît, et pour DNK. Évidemment, il y avait un peu d'attente parce qu'effectivement, c'est quand même le quatrième projet, et on espère que est-ce qu'elle pâte, avec qui elle a bossé, quels sont les feats aussi, etc. Mais effectivement, donc pour revenir sur ce débat, ça a été un vrai débat de est-ce que c'est vraiment le chata qu'on aime, et en fait à chaque fois... Oui, donc il y a quand même un débat de puristes. Évidemment, mais ça c'est les gens qui veulent pas voir qu'en fait, musicalement, sa musique est discutée notamment aux Antilles, et d'ailleurs, elle va faire un concert, là je crois, l'automne 2023 aux Antilles, je crois que c'est en Martinique, donc en plus de ça, et puis elle a fait déjà la Réunion, etc., en tant qu'artiste programmée dans des festivals zouk. Donc c'est-à-dire qu'elle arrive avec cette musique qui vient des Antilles, qui est en France hexagonale, à finalement, elle, faire cette musique, à la populariser encore plus parmi toutes les autres artistes qui le font déjà, et à aller ensuite sur les terres. Donc c'est quand même un truc qui, bon, pour les oreilles qui voient oui, pas... Oui, mais quand quoi. On connaît, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien. Une artiste née à Bamako, qui a grandi à Aulnay-sous-Bois, et qui fait cette musique depuis presque 10 ans. En fait, en tout cas en tant que professionnel. Imaginez un humoriste parisien qui va faire de l'humour en Corse. Ou tous les humoristes qui essayent de faire du stand-up aux États-Unis. Voilà. En fait, il faut capter les spécificités, faire rire. Évidemment, les gens vont dire non, mais c'est pas pareil. Si, c'est pareil en fait. Il y a quand même quelque chose de culturel, et surtout de réussir à en faire un hit à tel point que les DJ le remixent, etc. Quoi, ce titre. Fais-moi bisous, bordé par la scène, qui font un peu. Que je la plonge, que je rentre dans sa ch, que je lui sors plongeant. Tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis c'est pas la bosse, aïe aïe. J'ai que ta peur. T'es mon bébé, n'aie pas peur. If I give you space, someone's gonna take my place. Loop met de groene stijl. Praat geld anders moet ik weg. J'm'en tape. Si tu veux qu'on le fasse. J'ai donné mon cœur, je le referai plus jamais. J'ai trop de rancœur, ça n'arrivera plus jamais. Bah ouais, j'suis pas là, c'est ballot. Et bah ouais, c'est ballot. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. T'es tombé love d'un voyou. Ça doit finir entre nous. Si ça brille, j'peux pas t'expliquer. T'es mal avec elle, t'es mal avec elle. Mannequin sans force, t'as kiffé la dégaine. Si tu m'aimes, arrête tes bêtises. Tu me fais pleurer la nuit. Aya Nakamura. Estelle Murula, on l'a entendu dans, dans cette succession de hits, les relations hommes-femmes occupent une grande partie de ces chansons. Moi, à force d'écouter ces albums, c'est ce que je vous disais hors antenne, j'ai eu l'impression d'être dressé. Je suis rentré chez moi, je dis c'est bon, j'ai compris, il y a qui m'a dressé, là j'étais en train de marcher autour d'eux. mais oui, c'est vraiment c'est le cœur de son œuvre, c'est les rapports hommes-femmes, et en même temps, c'est... C'est très drôle parce qu'on reçoit souvent à France Inter des artistes qui se disent féministes, mais quand on va les écouter ensuite dans leur album, c'est souvent des chansons énamourées où elles sont vraiment passives, victimes de trahison et tout ça. Chez Aya, il y a ce côté ambivalent entre « tu m'as fait du mal » et en même temps, il va y avoir quatre chansons où je vais t'expliquer la vie tranquille, quoi. Non mais c'est exactement, c'est ça toute la complexité de ces textes, c'est que elle est tellement dans une posture d'empouvoirment au féminin, et d'un autre côté on entend à quel point elle se fait maltraiter dans ses relations, mais en même temps la plupart de ces textes vont être là pour dire alors tu as fait ça, tu ne fais plus jamais ça, et maintenant moi je vais faire ça, etc., etc. Et il y a un truc aussi d'identification en fait. C'est une femme de 27 ans, elle est jeune, donc elle a des histoires amoureuses à droite, à gauche, etc. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui fait son succès, c'est que c'est tellement authentique, la manière avec laquelle elle le chante, la manière avec laquelle elle en parle, que ça pourrait être n'importe qui en fait, n'importe laquelle de mes copines pourrait me chanter une chanson d'Aya Nakamura et me dire « Ah bah ça, bah c'est telle situation avec telle personne ». Il y a vraiment un truc où, en fait, ça manquait aussi cette manière assez franche justement de raconter ce que peuvent être les histoires amoureuses aujourd'hui pour une jeune femme d'Aulnay-sous-Bois ou ailleurs. Et Christelle Murella, justement, vous avez parlé de vos copines, et ça aussi, c'est un secteur assez important des chansons d'Aya Nakamura, ses copines, qui font que même quand elle est toute seule, on a toujours l'impression qu'il y a tout un possible, comme ça, de copines qui sont là, qui regardent le mec aussi, qui s'est mal comporté en disant, tu l'as bafoué, elle, c'est toute une armée désormais. Donc il y a aussi cette idée de sororité qui passe d'une chanson à l'autre. Ah, mais clairement, mais en fait, elle a une communauté de fans qui s'appelle la Nakamurance, et très clairement, c'est une communauté qui est justement très investie dans sa vie et qui prône justement une sorte de sororité, c'est-à-dire que si on touche à Aya Nakamura, et ben toute la Nakamurance sera là pour dire à la personne qui a osé la toucher, tu ne la touches pas. Et vraiment, en fait, c'est une espèce de connivence qu'elle a créée à la fois dans ses textes et dans sa manière d'être aussi, dans sa manière de gérer ses réseaux sociaux, de parler à ses fans, de parler aux gens, de parler dans la presse, qui fait que, en fait, elle est populaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est une artiste populaire qui a du succès, etc. Mais c'est aussi une artiste populaire qui est très accessible, qui a l'air très accessible et qui a l'air d'être comme nous, en fait. Comme une personne complètement lambda, complètement normale. Et ça, elle le dit souvent d'ailleurs en interview, c'est qu'elle, elle continue à aller chercher ses filles à l'école, qu'elle continue à aller dans les cinémas de zones industrielles. C'est vraiment... Aya Nakamura, malgré son succès planétaire, elle est quand même restée une personne normale, quoi, dans son quotidien. Et c'est ça qui touche, en fait, je pense, les gens. Dolores Bacchella, le milieu des gens qui ont participé énormément, qui ont fait énormément de duos avec elle, c'est souvent des rappeurs bad guy, etc., qui travaillent leur street cred à fond. Comment ça s'est passé, justement, cet accueil dans ce milieu très masculin quand ils ont vu une personnalité comme Aya Nakamura? Ben, faut repenser au Bercy. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez par rapport aux copines, elle aime beaucoup charrier les gens. Elle a dit, vous êtes venu avec, il y a une vidéo qui a tourné sur le Bercy où elle dit, vous êtes venu avec votre Joe, fallait venir toute seule. Genre, vous avez pas besoin de votre gars pour venir kiffer un elle concert. A dit, vous êtes des bouffonnes. Vous êtes des bouffonnes. Donc, il y a un truc très, il y a un truc très de proximité. Et effectivement, je pense qu'elle est aussi un peu arrivée comme ça avec les gars. C'est-à-dire que, en fait, quand j'ai là en réfléchissant, et je me disais qu'il y a vraiment ce truc où en fait elle ne pense pas ne pas être l'égale de qui que ce soit, en fait. C'est-à-dire qu'elle vient, elle vient poser, et du coup vous dites bad guy, mais par exemple Franglish ou même Damso, oui, les rappeurs, chacun crée une certaine image de mal alpha, etc., parce que en fait l'amour c'est compliqué, effectivement, et elle se hisse au même niveau. Et comme dit Christelle, c'est-à-dire qu'à un moment il y a un peu de franchise. On peut être Aya Nakamura, même on peut même être Beyoncé et qui a aussi la beehive comme Nakamura, Aya Nakamura, la Nakamurance, et en fait être trompée, être maltraitée, quand bien même on est avec Jay-Z. C'est ça la réalité. Et effectivement, ça n'empêche pas qu'on puisse être une star. Et donc du coup, il y a ce côté où en fait, comme les rappeurs, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup quand même l'image du rap bad guy, etc. Mais les rappeurs parlent aussi de relations amoureuses. Pas sur des termes sur lesquels on est forcément d'accord, mais ils en parlent. Caris, Chouin, Macarena de Damso, tout ça, ce sont, on peut le voir comme ça, des précipités, des extraits de ce que peut être l'amour et oui, la sexualité, des mot. Précipités en 2020. Voilà. Après, il y a d'autres morceaux qui sont, voilà, mais ça fait partie. Et donc, quand Aya est à côté de ses artistes, elle n'est pas moins ou etc. Vous parliez tout à l'heure de passivité. En tout cas, il y a quelqu'un qui se relève. Et par exemple, le titre, un des titres là dans cette dernière chanson, il y en a deux. Il y a Chacun, où en fait, effectivement, c'est deux femmes qui disent, en fait, c'est fini. Et Au Niveau, où alors là, on est dans le summum. Et en fait, je parle des rappeurs parce que on la compare souvent au rappeur, voire même on dit qu'elle fait du rap. Mais il y a une notion très égotripale aussi dans ce qu'elle fait, qui est une pratique à part entière dans la musique rap, où en fait, elle dit, voilà, moi, je suis moi, tu sais pas qui je suis, mais moi, c'est le haut niveau. J'ai pas ton temps, mon ami. Et donc, il y a aussi ce côté où elle prend vachement de ces influences-là aussi pour faire aussi une musique qui est très puissante et que personne ne vienne me dire que... C'est un coach de développement personnel. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'air du temps, dans l'époque, mais qui aussi pose des choses dont on a toujours parlé. Elle vient d'Afrique de l'Ouest. Il y a des motifs. En Afrique de l'Ouest, parler d'amour, il y a des chansons qu'on appelle toutes, par exemple, Diarabi. Les Diarabi, c'est des chansons qui parlent d'amour. Et en fait, chacun vient apporter... Donc, il y a aussi quelque chose comme ça qui revient dans sa musique, dont le rap est aussi dépositaire, dont la musique évidemment R&B et soul. Il n'y a pas de musique R&B, il n'y a pas de musique soul si on ne parle pas d'amour, il n'y a pas de zouk si on ne parle pas de sexe et d'amour. Ça n'existe pas. Et en fait, ce sont des sentiments qui sont un peu caca, un peu malaisants, un peu trop intimes, mais qui en fait, qu'on espère en tout cas que tout le monde peut ressentir à un moment, sauf si on est aromantique ou asexuel. C'est pas du tout un jugement de valeur, mais en tous les cas, c'est une expérience qu'on fait quand même en majorité. Et en fait, elle apporte sa pierre à l'édifice et, comme le disait Christophe tout à l'heure, ça parle à des gens qui s'y reconnaissent ou qui, comme vous, vous découvrez qu'une autre voie est possible grâce à Aya Nakamura. Donc c'est quand même quelque chose elle qui... Elle a changé ma vie. Elle m'a fait découvrir des choses. Vous m'avez percé à jour. En tout cas, au niveau, moi, quand je l'écoute, je me sens, quand je suis à bout, je me sens effectivement empouvoirée. Merci beaucoup, merci Dolores Bacchella, merci Christelle Murula d'avoir participé à Blue Buster pour évoquer Aya Nakamura. J'aimerais remercier également Charles de Cilia qui a réalisé cette émission. Elle a été préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani à l'aide de nos stagiaires Mathias Bellassène et Céline Grillon. À la technique aujourd'hui, on remercie une fois de plus Rémi Sistiaga et au mixage Loïs Moreau. Vous pouvez me laisser un message au 01 56 40 30 20 pour me dire que vous avez donné sa chance à Aya Nakamura et vous avez bien aimé. Si jamais c'est pour me dire ce que j'avais déjà écrit dans l'édito, c'est pas la peine. ou parler avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Je pense que je représente, on va dire, la femme noire numéro 1 en France, une icône pour certains. Je pense que tout dépend des angles, mais je suis Aya Nakamura. Et maintenant, retour à la playlist. Pour terminer cette émission, on écoute Dinos avec 4 saisons. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Paris, c'est 4 saisons en une journée. Les gens ont la conscience dans le feu. Ils se la racontent parce qu'ils ont pas confiance en eux. Je crois bien que je la ressemble. Des couteaux et des agrafes dans le dos. Quand je règle un problème, j'en aggrave un autre. Y'a peut-être quelqu'un qui s'est suicidé dans la baraque où tu vis. Y'a sûrement quelqu'un que tu connais qui pleure pendant que tu ris. Les animaux comprennent les hommes et peut-être pas le contraire. Le premier à avoir serré ta mère, c'est peut-être pas ton père. Je sais bien que parfois tu mens car t'es pas sûr de toi. Et que pendant que je parle avec toi, quelqu'un parle sur toi. Les diamants sur ta poitrine valent combien? Sache que les gens qui veulent ton cœur sont pas toujours les gens qui veulent ton bien. Pourquoi les gens pensent te connaître avec deux trois questions? Pourquoi les gens que tu aimes sont pas toujours les gens que tu crois qu'ils sont? Un peu décalé, je pense. Tu sais que je suis parisien depuis le début du son, je fais que de parler des gens. Sur la rive droite, je vais m'ennuyer l'hiver. Sur la rive gauche, je vais m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passe-droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité.